m'aimes. J'aime quand tu me dis des mots d'amour, des mots sans problème, des mots de tous les jours. J'aime les mots qui aiment, tous les mots qui viennent du cœur. Pas de fleurs, pas de poèmes, des mots simples qui portent bonheur. J'aime quand tu m'aimes, les mots d'amour te rendent encore plus belle. C'est mieux qu'un baptême, mieux qu'un cadeau du ciel. J'aime bien quand tu m'aimes, sans jamais poser de questions, sans savoir si moi je t'aime, simplement sans chercher de raison. Tous les amoureux, quand ils s'aiment, redisent les mêmes mots. Pourtant, quand tu les dis toi-même, ils ont l'air nouveaux. J'aime quand tu m'aimes, j'aime les mots qui prennent à bras le cœur. Pas l'amour carême qui se nourrit de pleurs. L'amour quand tu m'aimes coule en moi comme du bon vin dans mon cœur et dans mes veines. Je suis gai du soir au matin. J'aime quand tu m'aimes, j'aime quand tu me dis des mots d'amour, des mots sans problème, des mots de tous les jours. J'aime les mots qui aiment, tous les mots qui viennent du cœur. Pas de fleurs, pas de poèmes, des mots simples.